Contes et fables de Léon Tolstoï. Comment Emelka Pougatchev me donna une pièce d'argent. Histoire vraie. J'avais alors 8 ans, et nous habitions notre propriété située dans le gouvernement de Kazan. Je me rappelle que mon père et ma mère étaient très inquiets et parlaient souvent de Pougatchev, mais ce n'est que plus tard que j'appris ce qu'était ce brigand de Pougatchev. Il se faisait passer pour le tsar Pierre III. Il avait réuni une grande quantité de bandits sous ses ordres, et ceux-ci pendaient les nobles, tandis qu'il libérait les serfs. On disait qu'il était déjà avec sa bande, tout près de chez nous. Mon père avait l'intention de partir à Kazan sans nous emmener, nous autres enfants, car on était en novembre, le froid était très vif et les routes dangereuses. Mes parents firent donc leurs préparatifs de voyage en promettant de ramener des cosaques de la ville pour nous protéger. Ils partirent. Et nous restâmes seuls, ma sœur et moi, avec notre Niania Anna Trofimovna. Mais pendant leur absence, nous logeâmes toutes dans la même chambre, au rez-de-chaussée. Je me rappelle qu'un soir, la Niania berçait ma sœur dans ses bras et marchait de long en large. La petite avait mal au ventre et moi j'habillais ma poupée. Notre fille de service, Paracha, et la femme du sacristain étaient assises près de la table et s'entretenaient de Pougatchev en prenant du thé. J'écoutais, tout en habillant ma poupée, les horreurs qu'elle racontait. « Je me souviens, disait la femme du sacristain, que Pougatchev vint un jour à 40 lieues de chez nous, pendit la barine à la porte cochère et tua tous les enfants. » « Mais comment ces assassins pouvaient-ils tuer ces enfants ?» demanda Paracha. « Ah, voilà, ma petite mère, ils prenaient les enfants par les pieds et les frappaient contre le mur. »« Assez donc, raconter de pareilles horreurs devant un enfant. Va donc, Katinka, va dormir, c'est l'heure. » J'allais me coucher, quand tout à coup, nous entendîmes frapper à la porte cochère. Les chiens aboyèrent et des voix crièrent. La conteuse et Paracha coururent pour voir et revinrent aussitôt en criant « C'est lui, c'est lui !» La Niania oublia que ma petite sœur avait mal au ventre. Elle la jeta sur le lit et fouilla les malles. Elle en retira d'abord un petit sarafan, me déshabilla complètement, me déguisa en paysanne et me mit un mouchoir sur la tête. Puis elle me dit « Écoute, si l'on te demande qui tu es, dis que tu es ma fille, entends-tu ?» À peine fus-je habillée que nous entendîmes en haut un bruit de bottes comme si plusieurs personnes marchaient. La conteuse accourut. « c'est lui qui est revenu. Il ordonne qu'on tue des brebis, il réclame du vin et des liqueurs. » Anna Trofimovna répondit. « Donne tout, mais ne dis pas que ce sont les enfants du barine. Dis qu'ils sont tous partis et que celle-ci est ma fille. » On ne dormit pas de la nuit, des cosaques entraient à chaque instant chez nous, mais Anna Trofimovna n'avait pas peur d'eux. Aussitôt qu'il en entrait un, elle lui disait « Que te faut-il, mon pigeon? Nous n'avons rien. Il n'y a ici que des petits-enfants et moi, vieille femme. » Vers le matin, je m'endormis, et lorsque je me réveillais, j'aperçus un cosaque dans une pelisse de velours vert et Anna Trofimovna qui lui faisait de grands saluts. Il montra ma sœur et demanda « À qui cet enfant ? » Anna Trofimovna répondit « C'est l'enfant de ma fille. En partant avec mes maîtres, elle me l'a confié. » « Et celle-ci, reprit-il en me désignant, c'est aussi ma petite-fille. » De la main, il me fit signe d'approcher. J'eus peur, mais voilà qu'Anna Trofimovna me dit « Va, Katyushka, n'aie pas peur. » Je m'approchai, il prit ma joue et dit à Anna « Vois-tu comme elle est blanche et quelle beauté ce sera ?» Il tira de sa poche une poignée de pièces blanches, en prit une de 10 kopecks et me la donna. « Voilà, dit-il, garde-la en souvenir du tsar. » Et il sortit. Il resta chez nous encore 2 jours, mangeant, buvant, cassant tout, mais ne brûlant rien. Enfin, il partit. Lorsque mes parents revinrent, ils ne surent comment remercier la bonne Anna Trofimovna. Ils lui offrirent de la franchir, mais elle refusa, et resta jusqu'à sa dernière heure avec nous. Pour moi, on m'appela depuis ce temps la fiancée de Pougatchev. Quant à la pièce qu'il me donna, je l'ai gardée, et lorsque je la contemple, je me souviens de mon jeune âge et de la bonne Anna Trofimovna. Ici se termine « Comment Emelka Pougatchev me donna une pièce d'argent » de Léon Tolstoï, enregistré par Christiane Johann.